Puisque des feux tricolores sont placés à droite et à gauche à l'extrémité de la chaussée que j'emprunte, la circulation s'y effectue à sens unique. Pour tourner à gauche, je me place donc dans la voie de gauche. En tournant, je dois appliquer la règle de la priorité à droite. Je devrais céder le passage aux usagers venant de face. Réponse A et C.